Connaissez-vous l'inspecteur Derrick ? Il n'est pas comme le célèbre Derrick. Il est bien plus obéissant et bien plus complaisant avec les bandits du pouvoir. Faut dire qu'il n'a aucun pouvoir. Aux ordres du procureur du roi et de son ministre, il doit se rendre au ministère dans le cadre de la grosse affaire qui met en cause Wirth Eric. Il n'est pas comme à la télé, Derrick. Il ne le fait pas venir au commissariat, car le ministre du Travail, il a vraiment beaucoup de travail. À son bureau, il se rendra. Je vous ai convoqué, dit aussitôt Eric, pour classer l'affaire sans délai. Il faut sauver la République, lui tend un papier. C'est clair ? Oui, répond le futur commissaire, à qui Eric a promis du galon. S'il lui pose les bonnes questions et s'il sait étouffer l'affaire. De toute façon, il n'a pas le choix. Il est aux transmissions, courroie, et son ministre au gouvernail. Eric lui donnera la médaille. Il la donne bien sûr aux notables, mais aussi à certains comptables, comme aux généreux donateurs. Alors pourquoi pas lui, la Légion d'honneur ?